À l'occasion de la journée du soleil, la page internet russe irkoutskblogspot.ru a présenté le 5 et 6 avril l'œuvre classique du général Kim Jong-il, le président Kim Il-sung, grand leader, sera toujours avec notre peuple, et l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, la cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, triomphera à coup sûr.